Bonjour tout le monde, je m'appelle André Péloquin et bienvenue à la 29e édition de Podmodernisme, la balado-diffusion qui tente de se spécialiser dans tout ce qui se fait d'alternatif au Québec. Yeah, you know that shit right, Crazy Chris, Lenny, taking you to Hollywood with that shit, C'est l'enculé le plus cool de la planète. Oui, bonjour tout le monde. Une fois de plus, je m'appelle André Péloquin et bienvenue à Podmodernisme, cette balado-diffusion qui tente de vous faire jouer le plus de trucs possible de la scène locale provinciale. On va d'ailleurs débuter dès maintenant, sans tambour ni trompette, avec une édition qui regorge de musique. On va débuter dès maintenant avec un extrait de l'album Return to the Sea des Islands. Pour ceux qui ne le savaient pas, c'est la nouvelle mouture des Unicorns avec Nick Tambor et Jamie. Et ça va être la pièce Jogging Gorgeous Summer. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, podmodernisme@gmail.com, podmodernisme.blogspot.com. It's definitely going down. Yes, rebonjour tout le monde, c'est toujours André Péloquin et vous écoutez Podmodernisme, la balado-diffusion des gens heureux qui aiment ce qui se fait d'alternatif au Québec. On a débuté avec une pièce de Islands qui s'appelle Gorgeous, Jogging Gorgeous Summer, tiré de l'album Return to the Sea. On va poursuivre maintenant avec des trucs un peu plus électro, mais tout de même ensoleillés. On va commencer avec du D et ensuite on va terminer avec du Chromio. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, podmodernisme@gmail.com, podmodernisme.blogspot.com. On débute de maintenant avec She's Expensive de D et on va terminer avec un remix de Block Party de la pièce Needy Girl de Chromio sur Podmodernisme. With your girl. Shit. Oh, Tim. Yeah. Taking you back into time like Marty McFly, you know what I mean? Diantre, tu le sais-tu, ce que t'écoutes? T'écoutes pas de modernisme, le balado diffusion toute sympathique pis toute coquine qui se spécialise dans tout ce qui se fait d'alternatif au Québec, que ce soit en anglais, en français, que ce soit du ska, que ce soit du rock'n'roll, que ce soit du free jazz, tout sauf de la polka. On vient de terminer avec Needy Girl, le remix de Block Party de la formation Chromeo, et un peu avant, on avait dit avec la pièce She's Expensive, c'est tiré son album éponyme. On va poursuivre avec des trucs francophones et Andy Rock. On va l'écouter avec une valeur sûre, Pat Philo de Malajube, tiré de leur excellent trompe-l'œil. Ensuite, on va enchaîner avec Le Nom, El Monteur et un projet du nouveau multi-instrumentaliste de Malajube. C'est un projet de Serge-André Amine et Renaud Bastien. Ça s'appelle Major Bidet. Si vous aimez Air, vous devriez aimer cette pièce. C'est magnifique. Ça s'appelle Painful Love. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, vous pouvez me rejoindre à podmodernisme@gmail.com ou encore passer par mon site web pour avoir accès aux archives et un résumé des pièces jouées, ainsi que des liens menant au site web des groupes mentionnés aujourd'hui. Comme ça, vous pourrez vous procurer leur album, leur t-shirt, leur billet de spectacle et être heureux. On débute maintenant avec Pat Philo. Ensuite, on va passer au Boy Toy with No Joy du nom Dea Del Ciso de El Motor et Painful Love de Major Bidet sur Pod Modernisme. Parfait. Billy, Cuisy Cuis. En effet, oui, vous écoutez toujours Podmodernisme, la balado-diffusion alternative, provinciale, pourquoi pas. On vient de terminer avec A Painful Love de Major Bidet. Un peu avant, on avait Dea Del Cesso de El Motor. Un peu avant, le Boy Toy With No Joy de la formation Le Nom. C'est tiré de leur EP Allez chérie, fais-moi mal. Et on a débuté avec Pas de philo de Malajube, tiré de l'album Trompe-l'œil. On va poursuivre dès maintenant un peu dans la même veine. On va y aller avec un extrait du LP1 de Navet Confit. La pièce s'appelle Ces choses-là. Ensuite, on va passer au Trompe-l'œil avec Sur ton joli divan rosé. On va terminer avec Une froide journée du projet SAS 31. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, acheminez-moi tout ça par courriel à podmodernisme@gmail.com ou encore rendez-moi visite sur mon espace personnel virtuel, c'est le podmodernisme.blogspot.com. On est dès maintenant avec Ces choses-là, tenez des conflits. Yeah. de l'or, un palace de misère. PDG BMW, de tout ça, j'en ai que faire. Quand on se prend pour autant, difficile de se plaire. c'est plus pareil. De quelle manière je crève de ne pas savoir comment j'attends. Salut tout le monde, vous écoutez toujours Pod Modernisme, la balado diffusion alternative sur la scène locale au Québec. Patati, patata, je m'appelle André Plaquin et on vient de terminer un bloc plus ou moins pop avec SAS 31, c'était la pièce Une fois de journée tirée de leur deuxième maxi. Un peu avant tirée du maxi Strobophone, c'était les trompe-l'œil avec Sur ton joli divan rose. Et on a débuté de tout avec Navet Confit, c'était la pièce Ces choses-là tirée du LP1. On va poursuivre avec des trucs qui ne sont pas vraiment alternatifs, mais plutôt oubliés. J'ai mis la main il n'y a pas très longtemps sur une compilation qui s'appelle Dans le vent. C'est des groupes de yé-yé des années 50-60 au Québec. On va entendre trois extraits de ces merveilleux groupes. Qui sait, peut-être que votre oncle ou votre père jouait là-dedans, sait-on jamais. On va entendre Fou de toi des Napoléons, Chevelon des Bel Air et La génération d'aujourd'hui des Chanceliers. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, podmodernisme@gmail.com, podmodernisme.blogspot.com. On débute dès maintenant avec les Napoléons et Fou de toi sur Podmodernisme. Je suis fou, fou de toi, je l'avoue. Reste auprès de moi et on s'aimera. Que loin de moi, t'es en vie. Je sais que tout est fini. Mais toujours fais-moi, tu reviens. T'oublies ma vie. À chaque instant, ne t'en va pas. s'aimera. Ma photo, pensant que je l'avais trompé, je croyais avec une autre. Elle était désespérée. Je l'ai supplié de me croire et d'avoir confiance en moi. Elle m'a demandé de le voir, mais c'est aussi simple que ça, car ce n'était qu'un garçon, un gars aux cheveux longs. Et que nous admirons. Pour éprouver ma franchise, j'ai voulu lui présenter ce gars aux cheveux longs qui a fait plusieurs chansons. En allant pour le voir, avec elle pour lui prouver, et malgré mon espoir, il avait les cheveux coupés. Hey! Car ce n'était qu'un garçon, un gars aux cheveux longs, comme les intéressants, ceux qui font des chansons et que nous adhérons. En allant pour le voir, avec elle pour lui prouver, mais malgré mon espoir, il avait les cheveux coupés, car ce n'était qu'un garçon. Et que nous admirons. La génération d'aujourd'hui semble bien très peu comprise. Les cheveux longs, les chemises à fleurs. Les gens nous disent que ça fait peur. On est jeune, frivole. Ils disent qu'on manque d'esprit. Dans notre temps, nous n'étions pas comme les jeunes d'aujourd'hui. C'est ce qu'on nous dit. Les gens nous disent vous n'êtes que des enfants. On est grand, on veut sortir le soir. Les parents disent non, tu fais tes devoirs. On est jeune, frivole. Ils disent qu'on manque d'esprit. Dans notre temps, nous n'étions pas comme les jeunes d'aujourd'hui. C'est ce qu'on nous dit. That's right. Oh. Bonjour tout le monde, c'est encore moi, c'est André Péloquin. Vous écoutez Pas de modernisme, la balado-diffusion alternative des gens heureux et branchés. Oh, oh, oh, que de commentaires. C'est déjà ma dernière intervention en cette édition. On vient de terminer avec Les Chanceliers, c'était la pièce La Génération d'aujourd'hui, tirée de la compilation Dans le vent. Toujours tirée de cette compilation, on avait Les Bel Air un peu avant avec Chevelon et on a débuté avec Fou de toi des Napoléon. On va se laisser avec des trucs un petit peu plus trash, country, tristounet. On va débuter avec les Demon's Claw avec la pièce Blood on My Fangs. Ensuite, on va poursuivre avec un album que j'ai écouté à répétition la semaine dernière. C'est incroyable. C'est les Alley Dukes avec Drinking My Life Away. Et on va terminer avec Yesterday's Ring, la pièce Dying to Forget, tirée de leur tout dernier album, El Rancho. D'ici la semaine prochaine, si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, vous pouvez me rejoindre à podmodernisme@gmail.com ou encore passer vers mon site web, c'est le podmodernisme.blogspot.com. Là-dessus, trêve de blabla. Je vous souhaite une agréable semaine. On débute dès maintenant avec les Demon's Claw, ce dernier bloc de Podmodernisme 29e édition. À la semaine prochaine, tout le monde! I don't know where and where I'm to be the dear. This whole life won't be enough. I hope to remember everything, even though now I'm dying to forget. On our way to the bank, we're in the room of a fallen brother, on top of the hill. It's harder to choose now between walking and running, between collapsing and falling, lying and pretending. There isn't enough time today to think about what I should have said. I know the excitement of novelty. Yesterday, still looking at me with evil eyes and crooked lies. The sky could still be pink if I was still running on bad luck. Seconds define nightmares. Oh, was I in heaven? A picture that I feel like burning. Seconds define nightmares. Oh, was I in heaven? A movie that I won't ever watch. Yesterday, still looking at me with evil eyes and crooked lies. The sky could still be pink if I was still running on bad luck. Call my name, it sounds like shit anyway. Well, I miss your hands, I miss the city. Was it on what?